Chapitre 9e, le mystère se dévoile. Berton, comme il l'avait prévu, trouva à Versailles un train pour rentrer à Paris. Il se rendit à son domicile et se coucha. Mais malgré la fatigue qui le brisait, il ne put fermer l'œil de la nuit. Il songeait tout le temps à cette insondable énigme dont il cherchait vainement la solution. Le jour venu, il se leva et attendit l'arrivée de Marthe. Il ne pensait plus à la mission dont l'avait chargé le chef de la sûreté. Que lui importait? Il avait bien autre chose dans la cervelle. Les heures s'écoulaient et la jeune fille ne paraissait pas. « Elle m'a donc menti !» se disait le malheureux affolé. « Elle a voulu se débarrasser de moi. » Il lui prenait des velléités de repartir à Rambouillet, d'aller trouver le juge d'instruction, de tout lui dire. « Mais il me prendra pour un fou, » réfléchit-il, et puis dénoncer le père de Marthe, la dénoncer elle-même. Enfin, comme la nuit tombait, on frappa sa porte. Il courut ouvrir, c'était Marthe. Marthe, pâle, défaillante, semblant pouvoir à peine se soutenir. « J'ai cru que je ne pourrais pas m'échapper, » dit-elle. « Mais enfin me voilà. Vous voyez que je tiens ma parole. »« Chère Marthe, » s'écria-t-il, en voulant la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa. « Attendez de m'avoir entendu, » dit-elle. « Vous verrez si je mérite encore votre estime et votre amour. »« Vous m'avez promis. Je vous ai promis de venir. Me voilà. » Je vous ai promis de tout vous dire, écoutez-moi. J'attends avec anxiété. Laissez-moi m'asseoir, dit la pauvre fille. Les émotions m'ont brisé. Il lui tendit un siège sur lequel elle se laissa tomber. Vous avez dû vous étonner, commença-t-elle, de la façon dont je vous ai accueilli hier soir. Vous allez en connaître la cause. D'abord, je dois vous dire que j'étais seul et... Pardon, interrompit le jeune homme, un instant auparavant, « J'avais vu votre père près de vous. » Elle secoua la tête. « Vous avez cru. Vous vous êtes trompé. Ce n'était pas lui. Cependant, laissez-moi dire. Comme tout le monde, vous avez été odieusement abusé. Vous avez cru avoir affaire à une famille honorable. Vous étiez tombé sur une association de bandits. « Ah ! » s'écria-t-il. « C'est donc cela. Celui que vous avez pris pour mon père, continua la jeune fille, n'est rien pour moi. Il ne se nomme pas de Coninck et n'est pas français. » Il s'appelle Graser et est allemand, de la Prusse orientale. Son prétendu fils Jean s'appelle Reyval, il est belge. Quant à la femme, ma prétendue mère, je ne connais pas sa véritable nationalité, mais je la crois allemande comme Graser. Moi seule suis française, parisienne, née à Montmartre, et c'est la fatalité qui m'a liée à ces gens-là. Graser et Reyval sont deux repris de justice, recherchés par la police de leur pays. Ils se sont associés pour commettre de nouveaux crimes. Et pour dépister les soupçons, l'un afin d'être paralysé, l'autre de ne pas y voir. La femme également, afin une claudication qui la déguise. Par une ruse qui montre leur habileté, ils ont simulé un vol chez eux. Comme cela, on les a plaints, et quand d'autres vols ont été commis, personne n'a eu l'idée de les en accuser. Enhardis, ils se sont livrés à l'assassinat. Ce sont eux qui ont commis ceux pour lesquels le parquet a demandé votre concours. Car, malgré vos précautions du premier jour, Graser, qui a eu affaire déjà à la sûreté de Paris, vous avez reconnu. C'est lui et Reyval qui vous ont tendu un piège pour vous faire abandonner la partie. Je le savais, dit Berton, et je comprends tout maintenant. C'est la femme qui est venue vous apporter la lettre, et c'est elle qui, lors du vol commis chez un négociant, a, déguisé en homme, passé par le tuyau de la cheminée pour venir ouvrir la porte à ses complices. Vous avez cru voir de Coninck assis à son établi. Non, ce n'était pas lui. Mais avec son astuce infernale, il a fait un mannequin qu'il place sur la table quand il s'absente pour ses méfaits, et c'est exprès qu'il a élargi les fentes de la devanture pour que les passants puissent le voir et témoigner au besoin qu'il n'avait pas quitté sa maison. C'est ce mannequin que vous avez aperçu hier soir quand vous êtes venu frapper et que j'ai fait disparaître avant de vous ouvrir. J'ai en effet, dit Berton, entendu du bruit, comme si vous déplaciez quelques meubles. Alors hier soir, ils étaient sortis tous les trois? Oui. Croyant avoir réussi à se débarrasser de vous, ils avaient entrepris une autre expédition, un nouveau crime. Ils devaient rentrer vers 10 heures. Aussi, vous comprenez dans quelle transe j'étais quand je vous ai vu là. S'ils étaient survenus, ils vous auraient tué sans miséricorde. Et, interrogea l'inspecteur, ce crime, ils l'ont commis? Oui, mais heureusement, sans avoir besoin d'assassiner personne. Ils ont dévalisé la caisse d'un négociant. Ils ont descellé la grille qui ferme le soupirail de la cave. La femme a passé par le trou et, comme chez M. Barcelon, est venue ouvrir. Elle a opéré si habilement que personne dans la maison n'a rien entendu. Sans cela, ils auraient assommé le premier qui se serait montré. C'est leur manière, grasant une barre de fer. Il dit qu'avec cela, on abat les gens sans qu'ils puissent crier ni appeler au secours. Ont-ils beaucoup volé? Près de 11 000 francs. Ils en étaient tout joyeux quand ils ont fait leur compte. Mais comment avez-vous pu leur échapper? Je vais vous le dire tout à l'heure. Auparavant, il faut que je vous explique comment je me trouve lié à ces misérables. Marthe, dit le jeune homme, je ne vous demande pas votre confession. Et moi, je veux vous la faire. J'ai besoin de tout dire pour soulager ma conscience et mon cœur.